Ce jeudi à Assemblage Requis, Maxime Lemulaire-Amé vient nous titiller les oreilles avec quelques suggestions musicales dans son bloc Télécharge quoi. Éric Granger, l'arbitre de l'improvisation musicale, vient nous titiller quelque chose avec ses scoops concernant la première joute de la saison. Assemblage Requis, aujourd'hui, 15h.